Section 8 de La femme cachée par Colette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. L'omelette. Un chant d'oiseau s'insinua, avec une suavité grotesque dans le rêve. Train dans la nuit, plaque tournante et feu rouge, qui cahotait Pierre Lagnier sur des rails mal raccordés. Le chant perlé combattit les sifflets de locomotive et, victorieux, éveilla le dormeur, couché sur le dos, qui reçut, dans ses yeux entrouverts, l'image, sur un fond de ciel éblouissant, l'image inadmissible d'une branche fine sur laquelle chantait un petit oiseau. Pierre Lagnier, choqué, referma les yeux et laissa là de son avant-bras droit qu'il sentit mouillé et froid. Un oiseau, son bras mouillé et froid. Il s'assit et reconnut ce bras, un bras dur et bruni de joueur de tennis, nu jusqu'au coude, hors d'une manche de chemise roulée. Au-dessus de lui, la branche fine qui venait de quitter l'oiseau chanteur oscillait encore. L'odeur délicieuse du foin à demi séché s'imposa. Pierre Lagnier venait de s'éveiller, non pas chez lui, rue d'Aumale, mais contre la haie d'un pré couvert encore des molles vagues parallèles de sa fenaison. Il bâilla, étira ses bras en arrière selon la méthode Muller, décolla de son dos sa chemise que trempait la rosée abondante des aubes de juin, se peigna de ses 10 doigts et sourit vaguement au nu, rose encore, du ciel couleur de lait bleuâtre. Une pique de feu rouge perçait la haie à ras de terre, dénonçant le soleil levé. « Que c'est beau !» Pensivement, il mit sa joue dans sa main et tressaillit en touchant une barbe de 5 jours. Non, 4. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Une barbe de 5 jours. Depuis 5 jours, un corps de femme, abattu sur le tapis et comme cassé par le milieu, était terriblement immobile chez lui, rue d'Aumale. Il étendit les jambes. Ses souliers de tennis, enduits de poussière, d'eau séchée et de bouse, avaient vieilli en 4 jours, et l'une des semelles de caoutchouc se fendait. Le pantalon de flanelle, d'un gris très clair, les chaussettes de fil blanc, la chemise de cellulaire, tout le costume sportif, en 4 jours, devenait une défroque mitraillée de taches, zébrée de vert végétal. Le veston, roulé en boudin, noué d'une corde, servait d'oreiller la nuit et contenait quelques centaines de francs. L'argent de poche de Pierre Lagnier possédait lors du crime, plus une montre. Des chevaux à l'entrave firent teinter leur chaîne de pied et hennirent vers une ferme invisible. Des hirondelles jaillirent d'un point caché et inépuisable et couvrirent le pré d'un réseau de cris longs et sifflants. Le vent apporta des meuglements, un bruit plein et harmonieux qui devait être celui d'une chute d'eau. Un petit gardeur de bête au loin chanta comme un muezzin. Et la clarté du jour se haussa d'un ton vers le jaune. Pierre Lagnier, homme des villes, se laissa gagner par la mansuétude. « Ah, la campagne, c'est la belle vie !» Il se reprit mentalement pour dire « C'était la belle vie !» Et s'aperçut qu'il parlait de toutes choses au passé, maintenant. « J'aurais aussi bien pu la laisser vivre, cette petite. Mais à Paris, on est si nerveux. C'est vrai qu'elle m'ennuyait bien, et depuis trop longtemps. » Il baissa le front, assombri par le souvenir de sa maîtresse insupportable. Assourdi encore par tant de menaces, de jalousies, de paroles, de reproches, par cette méchanceté d'insecte qui ignorait la crainte et le repos. Il revit le geste qui avait changé ses mains égarées en mains criminelles, et le corps, plié en deux sur le tapis, et la tente dans la garçonnière au volet clos. La fuite, alors favorable, où la femme de chambre du premier étage demandait le cordon et conduisait jusqu'au trottoir d'en face un beau garçon aux pantoufles muettes. J'ai été bête, pensa Pierre Lagnier. J'aurais dû courir au commissariat à dire « Voilà, elle avait un si sale caractère. Nous nous sommes disputés pour la 1000e fois. Je ne suis pas coupable de préméditation, ni de... Enfin, je ne suis pas méchant. Je lui donnais 2 000 francs par mois. Et ce jour-là, nous n'étions venus de la campagne que pour chercher les raquettes de tennis dans ma garçonnière. Voilà ce que j'aurais dû expliquer. À présent, ils l'ont trouvé. Il recensa ces 4 journées de trimardeur. Il n'osa plus se féliciter de n'avoir rencontré en 4 jours aucun garde champêtre. Qu'est-ce que ça prouve? 4 jours, ce n'est rien. Mais après, il s'efforça de mettre en image un avenir quelconque et ne distingua qu'une sorte de tache pâle dont la pâleur lui donna une nausée physique. Mais je crève de faim, c'est ça que j'ai. C'est ça qui me démoralise. Il se leva, saisit le bâton qu'il avait coupé l'avant-veille et qui complétait son costume de cheminot. À son dîner de la veille, mangé sur la route, charcuterie et pain, succédait la faim sauvage d'un homme bien portant. Il enjamba le fossé, prit la route blanche qui appelait la pluie et crissait sous le pied comme du verre écrasé. Et pourquoi est-ce que j'ai mangé de la charcuterie et du pain sur la route? Qui m'empêchait d'aller à l'auberge, de me faire servir de la viande, du café, des œufs? Il haussa les épaules, allongea le pas. La pensée du café chaud et de l'omelette, grésillant dans la poêle, emplissait d'eau sa bouche. Pourtant, il dépassa sagement les fermes isolées, rutilantes de poules, les fermières en bonnet blanc et les âtres rouges où pendait la marmite aux dents de la crémaillère. Vers 7 heures, il traversa un gros village et s'arrêta à la dernière maison où, cœuvre débitant, logeait à pied et à cheval et offrait de cuire le manger du monde. À sa vue, une jeune femme au chignon latté, dans la salle basse, posa son enfant à terre et s'essuya les mains. Pierre Lagnier s'assit. « C'est une chopine qu'il faut vous servir, du blanc ou du rouge ?» Pierre Lagnier tapa sur la table, selon les traditions paysannes qu'il avait apprises au théâtre. « Du blanc. Et vous avez du lard ?»« Du lard, oui. Et des œufs ?»« Je ne les ai pas encore levés, » dit-elle inquiète. « Et au prix qu'ils sont ?»« Ne vous tourmentez pas, on a des sous. De quoi se payer une bonne omelette ?» La jeune femme apporta une chopine de faïence. Un très petit verre terne à grosse côte, et inspecta Pierre Lagnier avec incertitude. Il était sale, mais fin, et toute sa personne manquait du mystère hargneux, de l'indifférence sans brèche, qui masque les vrais vagabonds. « Une omelette ? Une omelette de combien d'œufs ?» Pierre Lagnier s'égaya. « De combien d'œufs est-ce que je sais, moi ? Une omelette de 6, 8 ? Oui, une bonne omelette de 6 à 8 œufs !» La jeune femme ouvrit singulièrement de grands yeux et la bouche, ne proféra aucune parole, reprit son enfant sur son bras et sortit. Pierre Lagnier, pour tuer le temps, emplit et vida 3 fois son petit verre grossier, tira de sa poche un paquet de cigarettes et trotta une allumette. Mais il laissa sans motif tomber l'allumette enflammée, se retourna et vit, dans le cadre de la porte, derrière les épaules bleues de 2 gendarmes, le visage méfiant, blanc de peur, de la jeune femme aux cheveux nattés. Fin de la section 8.